c'est bien là que tu as fait. C'est le moment de ça permet. Oui, donc la question, ça sera sur Pierre Hébert, tu sais, et en fait l'idée de, je la reposerai, mais je sais pas, quand tu travailles la pâte à modeler, c'est différent que quand tu travailles le dessin. Et est-ce que le rapport de ton corps à la surface de travail est important pour toi? Tu réfléchis. Tu vois? Pierre Hébert. まあ、言ってたようにその自分結局その自分の作業をするときはその結局その体とその素材との関係っていうのが非常に重要なんだということを言ってたと思うんですけども、それはその板崎君にとってもやっぱり重要なんですか、そのように同じように重要なんでしょうか。 そうですね、ピエール・エベールさんの仕事は僕は水準原点って作品を作った後に実は知ったんですね。それまで恥ずかしながら知らずに、でその後ちょっと、まあ、彼の存在を知って自分とすごいこう近い関心を持ってる作家だと思って彼に、まあ、会いにモントリオールに行くことになるんですけれども、僕も自分の体と素材のその関係、ほとんどアナログの素材を使ってますけども、 それをまあ大切にしています。今はまたちょっと違 こう状況なんですけど、それは後でお話ししたいと思います。 Oui, effectivement, voilà, je pense que j'ai aussi en fait un peu le même rapport aux matières que tout ce qu'il a dans le Pierre Hébert que tu viens de remarquer. Et mais en fait je l'ai un peu honte de dire ça, mais à fond, moi j'ai découvert en fait son travail après avoir réalisé en fait mon film Dayton Point. Voilà, mais effectivement quand j'ai découvert en fait son travail voilà, j'ai compris que voilà, il avait presque les mêmes idées que moi, donc c'est comme ça que je suis allé en fait à Montréal pour le voir. Et oui, effectivement, bah, j'ai le même rapport, si vous voulez, j'ai la tendance d'utiliser des matières assez analogiques. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, quand même, je m'intéresse en fait d'autres choses. Donc voilà, j'essaie de parler. ピエール・エベールさんも、彼の著作に言語、身体、テクノロジー、ランガージ、コープ、テクノロジーという著作があるぐらいで、そのまあ3つをとても重要にしている作家なんですけど、僕にとってもそのテクノロジーの今まあ僕らが使っているパソコンとかのその性能の問題とか、いろいろこうアニメーションの技術がデジタル化していく上で自分の表現もアップデートしなきゃいけないというか、そのテクノロジーとの関係を考えたいなってことを常に思ってます。 C'est-à-dire donc Pierre Hébert, lui, il a même publié un livre intitulé L'homme, corps, technologie. Voilà, donc en fait, ces trois éléments sont surtout importants pour lui. Mais moi, je m'intéresse surtout en fait aujourd'hui, je m'intéresse surtout en fait technologie, le troisième élément. C'est-à-dire voilà, donc il y a toujours quoi d'innovation, il y a toujours l'innovation de l'ordinateur, qui il y a l'évolution technique de l'ordinateur numérique, et mais moi je crois qu'en fait le film d'animation soit aussi en fait doit s'évoluer en fait selon l'évolution de la technique de l'ordinateur, c'est-à-dire la façon de exprimer présentation. Voilà, c'est ça en fait ce qui m'intéresse aujourd'hui. 水準原点の後、3つぐらい短い作品を作ったんですけども、それはいずれも紙に書いた、動画を、パソコンに取り込んだ後、デジタルで原型がないほどに加工している作品を最近は作っています。 Et après, à d'autres points, moi j'ai réalisé trois petits films.

t'as pas vraiment. Non, c'est pour ça, je voulais savoir s'il avait une réaction par rapport à ça. Je trouve que dans les deux premiers, quand on regarde, l'écriture, elle est très vive, c'est très, très énergique, et il y a beaucoup plus de douceur. Ah, quand il passe dans Dating Point et quand il passe à la calligraphie japonaise, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le même. Alors, c'est pour ça que je voulais savoir si vous voulez réagir. Je trouve que là, il y a beaucoup d'énergie, c'est très vif. Et avec la calligraphie japonaise, d'un seul coup, ça se calme et c'est beaucoup plus doux. D'accord, je ne sais pas si j'étais en fait Dating Point. Enfin voilà, entre ces deux-là et Dating Point. Dating Point の間ってことですね。のその違いっていうのは、まあ、最初とその多分そのオキドンたる向こうのその言葉を使ってるのすごくその勢いがあるその、勢いがある、まあ、ある種暴力的なぐらいのその、まあ、その力でこう動くんだけども、まあ、日本のその文字を使った瞬間それはもうちょっとこう優しい感じになる、柔和な感じになる。その違いは多分その言語の違いから来るんでしょうかっていう。 そうですね、まあ、日本語もちろん母国語なので日本語に対するこう感じる湿度っていうんですかね、こうすごくこう感覚的なことになるんですけど、日本語からこうなんか染み出してくるようなこう湿り気、湿度がとてもこう自分に近すぎて、その何かこう物を作る時の素材として扱えないっていう思いが、長らくありました。 Oui, surtout parce que le japonais c'est assez ma langue maternelle. Du coup, en fait, pendant longtemps, je me suis dit que c'était assez difficile en fait pour moi de traiter cette langue, parce que je sens, je sentais toujours en fait une espèce d'humidité en fait qui se dégage de cette langue, et justement à cause de cette humidité en fait je me sentais en fait mal à l'aise en fait, d'utiliser la langue japonaise. その英語とかフランス語を見てもそのすぐにこう意味が入ってこないっていうことがあって、それに対して日本語は本当にすぐこう何か語りかけて声がたくさん聞こえるような感覚が日本語に持っていて使えなかったんですけど、その英語フランス語とスクリプタオラントとシャンブルと2つの作品を作った時にようやくちょっと自分の中で日本語のを、対象に作品が作れるんじゃないかっていうことを思いました。 Par exemple, quand je vois les caractères, le texte écrit en langue étrangère, soit l'anglais, soit français, les mots en fait ne me rentrent pas tout de suite. Je ne peux pas en fait saisir en fait ce qu'ils ont. Tout de suite, mais quand je vois le caractère, les textes en japonais, tout de suite, ces textes me parlent. J'entends plein de choses. Justement, c'est pour ça que voilà, je me sentais en fait que ce serait difficile d'utiliser la langue japonaise. Mais après avoir en fait fait réaliser ces deux courts-métrages, écrit soit en anglais, soit en français, voilà, je me suis dit que peut-être maintenant je pourrais faire un film en Japon. それで、そのノートシャンブルを作り終えた後、日本語に対してもう一度日本語をこう読み直したいなっていう思いがあって、それだけ詩の言葉を読もうと思って、日本で、まあ、詩の、雑誌で現代詩手帳っていうのがもう60年ぐらい続いてる、まあ、戦後から始まる詩の雑誌があるんですけども、それを、まあ、創刊号から自分で読むってことを始めました。 いや、donc après avoir terminé un autre chant, mon film, j'ai commencé à avoir envie de lire en fait les japonais.Surtout à la poésie, le poème. En fait, au Japon, il y a une revue de poèmes qui s'appelle Gendai Shitecho, si je traduis littéralement le cahier de poèmes modernes. En fait, c'est une revue qui existe en fait, depuis 60 ans, qui s'est lancée juste après la guerre. Du coup, en fait, j'ai commencé à en fait, lire en fait, tous les numéros, à partir du premier numéro de cette revue. その中で

朗唱できるような詩を書いて、それがこう他の人と、なんていうかこう、なんていうかな、それがまあ戦意高揚に使われたという歴史があるんですね、日本の詩にとっては。だから戦後日本の詩がこう口に出して読めるかどうかっていうのはとっても大きな問題で、石原の詩を声に出すってことは、まあ、考えなかったんですね。 En fait, même au Japon, en fait, la lecture haute voix de poèmes, c'est une culture assez importante dans l'histoire de poésie du poème au Japon. Et quant à Yoshiro Ishihara, ce poète, je crois qu'il a aussi fait la lecture haute voix de ses propres poèmes, mais je pense que pas beaucoup, et surtout moi je pense que en fait c'était quelqu'un en fait qui était plutôt contre cette culture parce qu'en fait pendant la guerre il y a beaucoup de poètes japonais en fait qui ont fait leurs œuvres plus à sa prise et traduit par plusieurs personnes en commun par être traduit à d'autres voix en groupe. C'est-à-dire, voilà, ils ont utilisé pour la propagande du poème, c'est-à-dire pour motiver leur participation à la guerre. Donc, voilà, je pense que c'est pour ça que en fait, l'acteur haute voix du poème était une culture plutôt délicate en fait, dans l'histoire. Voilà, moi je du coup moi moi j'ai pas du tout en fait eu envie de faire lire en fait ce poème de mon film. Comment tu écris tes films? Est-ce qu'il y a un storyboard, un scénario? Comment ça se met en place un de tes films? C'est compté とか脚本とかそういうのを用意するんですか？ ストーリーボード投下についてですよね。それも作品によって変わるんですけれども、基本的には最初のスクリプタオラント以降はスクリプタオラントというオスカーワイルドの作品ですね、の、作品以後はストーリーボードを絵コンテは用意せず、基本的に動きは全て即興で作っていくんですけれども、その代わりにテキスト、元となるテキストをどの部分を使うかっていうその、編集というか選択を最初にします。 ça dépend du projet. Ça dépend du projet, mais a priori à partir de Writing Flyaway, partie du film. Moi, je n'ai pas fait storyboard ni le scénario. Plutôt, en fait, j'improvise complètement en fait, le mouvement. Et du coup, ce que je prépare en fait, avant de lancer la fabrication, c'est le choix de texte et le montage. Donc c'est sur le rythme du texte que tu fais l'improvisation. Enfin, comment tu as quoi? Tu as je sais pas, le texte devant toi, il est découpé, il y a un découpage du texte, c'est comme ça que tu travailles? Ouais. どういうふうな、何に従ってその即興をするんですかっていう、動きの即興をするんですが、それはその目の前にまあその文字っていうものがあって、まあその文字のそのリズムに合わせて、その文字のその区切れるところ、文字のデクパージに従って、その自分のその動きを即興していくんでしょうか。どういうふうに即興するんですか。 そうですね、基本、もちろんも、単語の、さ、ん、ちょっと待ってくださいね。まあ、文字から得たイメージを、文字を大体こう解体することによって、動きを作っていくんですけれども、即興というのは、例えば僕はプレビュー、書いたものを撮影をして、確認をして、もう一度イメージと違ったかで、やり直しっていう、書き直しっていうことをほとんどしません。 Oui, c'est ça à la base. Donc, moi, j'en fais l'image à partir du texte. C'est-à-dire, voilà, j'essaie d'un peu déconstruire les textes pour avoir des images, mes images. Mais ce que je ne fais surtout pas, c'est que, en fait, moi, je dessine et je vois le résultat, mais quoi qu'il soit le résultat, je ne redessine jamais. 例えば「水準原点」という作品だったら、撮影に11ヶ月使ったんですけれども、最初の2ヶ月、撮影をして一度見ました。その撮影した分をつなげてアニメーションとして動画として見たんですけれども、それ以降残りの9ヶ月は一度も自分が撮影した画像がどういう動きになってるか見ずに撮影をしきって、9ヶ月後自分でどういうふうになってるかっていうのを見ました。まるでこうフィルムの時代の現像するまで動きがどうなってるかわからないような、そういうタイプの仕事だと思います。 Par exemple, pour Data point, moi j'ai mis 11 mois pour le tournage, pour le filmage. C'est-à-dire au bout de 2 mois, de premiers 2 mois, j'ai regardé en fait. Je ne fais l'animé à partir de ce que j'ai filmé et j'ai regardé le résultat. Mais après, en fait, pendant 9 mois, en fait, voilà, je n'ai pas vu le résultat. J'ai continué à filmer. C'est-à-dire, disons, j'ai fait un peu la même chose que ce que faisait en fait, l'équipe du film de fiction de l'époque de Pellicule. あとは別のノートルシャンブルという作品では、アニメーションタップという、アニメーターが動画用紙、穴の開いた動画用紙を固定する器具があるんですけれども、例えばそれに僕は入るだけの紙を一気に重ねてしまいます。だいたい僕は36枚ぐらい入るんですけども、それをこう、もう36枚一気に次から次書く、見ないでもうどんどん書くっていうことをしていて、つまりも体のこうリズムで書いていくっていうことがあって、そういう方法をとっています。 Sinon, pour notre chambre, il y a un outil, ce qu'on appelle Animation Tap. Animation Tap, c'est pour en fait y a un outil en fait là où tu en fait on met des papiers que tu Oui, peux voilà le fait de flipper et bouger. le fait de, avec la barre, tout à Voilà, fait, oui, tout voilà. à fait, la En barre fait, d'animation. moi en fait j'utilise en fait je mets en fait au maximum de papier en même temps sur. C'est-à-dire le maximum c'est tant s'il fuit. Moi je mets tout et puis je continue en fait dessiner sans regarder en fait ce que j'avais dessiné. C'est-à-dire moi j'essaie vraiment dessiner selon mon rythme corporel. Pour garder l'énergie. Parce qu'en animation, on sait qu'on perd des fois à force de refaire les choses. Tu as besoin de ça, d'avoir un mouvement comme ça qui est continu presque. だからやってるうちにこう自分がこう見失う瞬間っていうことがあると思うんですけど、それを避けるためにやっぱりそのエネルギーを保つためにこう書き続けるっていうことをやってるんですか。難しいです。そうですね。そうだと思います。まあ体のなんか目で見て演技をさせるっていうのじゃなくて、もうまあ本当に見ないで ちょっと考え、まあ、むしろ見失わないというよりはどんどん変わっていくためにそういう方法を取っている気がします。というのもアニメーションにおいて大きく分けて2つの描き方が、あって、キーフレームというか先にこう、遠くの目標を設定する、その間を埋めていく描き方と、インビトウィンって中割りっていう方法ですね。あとはもうその都度1から1、2、3、4という順取りっていうんですけれども、時間順に書いていく、取っていくっていう方法があって、僕は、その中割り、キーフレームを最初に遠くの位置を設定するってことをほとんどやらないです。 Je pense oui, mais je pense pas que je travaille comme ça pour ne pas se perdre, mais plutôt en fait pour que j'échange. C'est-à-dire, moi je crois que dans les films d'animation, dans la fabrication du cinéma d'animation, il y a deux manières. C'est-à-dire, la première, c'est d'abord en fait décider l'objectif qui est l'image de clé. Après, voilà, on essaie de faire un dessin pour remplir en fait entre les images de clé. Je crois que c'est ce qu'on appelle in between. Oui, Et la deuxième, c'est vraiment travailler en fait dans la chronologie. C'est-à-dire, voilà, je fais cette image, première image, on fait deuxième, troisième, quatrième. Moi, voilà, je complète la deuxième, je fais jamais en fait l'image de clé. つまり描いている自分も、自分がどんなのを描いているかだんだん分からなくなるというか、気がつけばもう最初の地点からだいぶ遠くのところに来ているというか、事前に考えた意図とかが制作をしていく中でどんどん変わっていくっていうことがアニメーション制作の面白い点だと思います。 C'est-à-dire en fait finalement en fait c'est-à-dire que je dessine en fait quelque chose qui est assez éloigné en fait de ce que j'avais imaginé au départ.

pas portable. Comme j'ai écrit Soudan, Regarde, je t'ai amené, je suis un fan de Cornelius aussi. Ah, Ça, oui. c'est Ah. les premiers albums Oui. que j'avais achetés à l'époque. Oh. Voilà. Et en fait. Je me sens un peu nostalgique. Oui, ça fait longtemps en plus, hein, c'est vraiment les premiers albums. Et je sais pas si tu connais, en fait, à la base, je voulais te Ah. poser la question. Je voulais te poser une question sur la disparition. Et je voulais Oui. savoir, en fait, parce que c'est le livre qui est fait sans eux. Georges Perec avait fait un livre sans eux et c'est très impressionnant. Je voulais savoir si aujourd'hui tu aimais lire en français et ça te plaisait de lire dans la langue. Bien sûr, j'ai lu en traduction japonaise, le titre Emmetsu. Je connais. Et comment en japonais, comment c'est traduit? Parce que donc en français, ce qui est impressionnant, c'est le fait qu'il n'y ait pas de E. Ils ont réussi, la traduction Ah, je me japonaise souviens, réussit peut-être aussi. c'est. Et がないんですよね。え、あの、あいうえおの、えが多分ないと思う。いかな。えだったと思う。ちょっとない。 En tout cas, c'est traduit en japonais, il y a quelque Oui. chose comme ça qui est. Oui. Il reprend. Ouais. Soit en alphabet, soit I, soit D'accord. E. T'es prêt? On le fait en français? On essaye la liste? Mais c'est un peu, ちょっと恥ずかしい、ちょっと恥 C'est quoi? ずかしい。 Tu sens un peu gêné. Pourquoi? OK, Parce qu'il dit tout, quoi. Mais non, il dit pas tant que ça. Un morceau, si tu devais choisir un morceau de musique ou un album, t'as choisi? C'est Cornelius, Ripple Ouais. Waves. Parce que toujours je n'ai pas bien écouté la musique, mais Saikin Cornelius to shigoto o shimashita. Tout récemment, j'ai travaillé avec lui. Avec Ouais, Cornelius, donc voilà. c'est T'as choisi aussi Daisuke Tanabe. Ah, oui, C'est quoi, c'est qui? c'est Nihon no ano denshi onggakuka de State of Things ことなし大切なステートオブシングスのトラックを作ってる、音楽家で、まあ、知人です。 知人？ 知人、まあ、 ああ、 知人の音楽 c'est un musicien électronique japonais D'accord. qui est le track maker de la musique de The State of Things. D'accord. C'est un ami. Et le dernier, faut que tu le dises en français. T'as Oui, choisi. c'est juste mon ami m'a donné le lien parce que cette chanson est chantée par japonaise, je pense. Connu, ouais. Et la chanson s'appelle La Javanaise. La javanaise, Voilà. Qui est une chanson de Gainsbourg, normalement, mais là tu l'as Ah choisie par Julien Doré. C'est ça. Qui est connu en effet, et ça a même été repris au Japon, en effet, par plusieurs chanteurs au Japon. Je t'ai demandé après un long métrage et court métrage. Long métrage, tu m'as dit Yasmine Hamad. Talent Time, qui est un long métrage. Pourquoi? C'est malaisien, ça vient de Malaisie. Ah oui, Malaisie. タレントタイムって映画も僕の中でかなりオールタイムベストに近い作品でした。 Oui, voilà, pour moi, c'est le meilleur film. D'accord. Presque toute l'histoire ici. Wow. Carrément. Court métrage, Ah oui. The Fall of the House of Usher, La chute de la maison de Usher de Yann Jean Hockmeyer, et quelqu'un que tu cites beaucoup. Je te laisse le dire. L'auteur, c'est. Le deuxième, c'est. Ah, David Bowie, plutôt. Ouais. C'est un auteur que tu cites tout le temps. Tu l'as montré à la Cinémathèque Ah, à Montréal. oui. C'est un auteur que tu aimes vraiment énormément. Ouais. Ouais. Un peintre ou autre beaux-arts, t'as choisi. Lucien Freud, Ouais. et Alberto Giacometti, Isamu Wakabayashi et Gozo Yoshimasu. Donc, Isamu Wakabayashi, qui est un sculpteur. Oui, sculpteur Voilà. japonais. Gozo Yoshimasu, qui est un poète. poète japonais. Son livre a été traduit en français. Je mettrai le lien. Une ville, un village ou un pays, t'as dit? Itako, c'est mon bière, ma bière. La ville natale, d'accord. Et la seconde? Et Montréal. Montréal, ça a été très important pour toi à ce moment-là, Ouais. l'année que tu as passé là-bas. Ouais. Ouais. Un livre de fiction, Ok, film, ok. t'as dit trois auteurs. Ouais, j'adore Edgar Allan Poe et Virginia Woolf et Robert Balzac. Un livre de non-fiction, tu as dit. J'ai choisi Comment vivre ensemble de Roland Barthes. Après, alors là, c'est plus particulier. Ce n'est pas bon. Ok. Une nourriture, une boisson. La Ouais. nourriture, t'as dit le poulet. Ouais, poulet et tofu et légumes. Ok. Et après, j'aime bien pour l'alcool, tu as dit. J'adore bière. Et après, j'aime bien ce que tu as dit. Tu peux lire en français. Tu l'as dit, la phrase que tu as dit. Et c'est quoi? Ah, c'est. Chaque fois. Ah, chaque fois que je concentrais sur la production d'animation, je mange toujours la même chose. Je t'ai demandé le tatouage que tu aimerais avoir. Malheureusement, je ne pense pas que je vais mettre des tatouages pour l'instant. D'accord, pas d'envie. Après, il faut que tu répondes là aussi en français. Ah, je t'ai demandé un vêtement et tu m'as dit. Ok. Je ne m'intéresse presque pas à la mode. J'essaie d'utiliser quelque chose que j'aime depuis longtemps. J'ai un t-shirt gris, la même chose. Tu dis simple comme un personnage animé de la série Ouais, de télévisée. série Toujours la télévisée. même chose. Ouais. Un fait historique, politique. Mais c'est un peu compliqué. Non. Alors moi je voulais dire, si tu veux, tu disais que tu étais intéressé par les choses suivantes, la société japonaise et les problèmes politiques, tels que la reconstruction des zones touchées, par exemple, par le tsunami, les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Pourquoi? Parce que ça va changer la ville. Ouais. Tu dis la falsification des documents publics, donc la politique t'intéresse, mais tu te dis cependant je suis préoccupé par les relations humaines familières plus que tout Oui. ça. Oui, parce que pour moi, le political fact est très proche. なんて言ってんですか、 Ouais. と近い関係の政治的なことって本当にこういう近い関係のことが僕にとってなんていうか大問題です。なんて言ったらいいんでしょう。政治、それこそが政治的なこと、僕にとってはなんていうか、こうどう振る舞うか、人にとってとか。 Pour moi, la politique, je crois que là, pour moi, la politique existe dans l'intimité. Déjà. Très bien. C'est exactement un objet. On a quasiment fini un objet. Livre d'occasion. Ce qui n'est pas surprenant. Je t'ai demandé une image, une photo. Et tu m'as dit Lieko Shiga. Lieko Shiga, les photographes japonais. D'accord. Une partie de ton corps? J'ai deux grosses toupées sur ma visage. Je pense que je vais prendre l'un pour l'autre. Je ne sais Un jour, à un moment de l'année, tu m'as dit deux Ouais. choses. Et La première. la première rencontre avec Takashi Ishida depuis environ 10 ans. Qui est, pour les gens qui ne connaissent Qui pas. est artiste japonais, qui est cinéaste, peintre. Et la deuxième, il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est prochain lundi. Ah non, lundi dernier, enregistrement avec Denis Lavant. Donc, le célèbre acteur français qui va faire la voix, le texte de ton prochain film. Oui. Ça a été émouvant de le rencontrer et de le voir. C'est plus grand que lui, il y a des photos et on voit. C'était un moment important, vraiment. Ouais. C'était bien. Et la fin, dernière question. Une personne, un personnage qui te fascine. Et tu as dit. J'ai choisi un sculpteur japonais qui s'appelle Tsuyoshi Shima. Il est mon professeur quand j'étais étudiante à l'université. Il m'a donné beaucoup de en France, beaucoup d'influence. Très influencé, ça a été Oui, vraiment il important. a fait sa maison par lui-même et il a 8 enfants. Mais il a beaucoup d'énergie. Il a beaucoup d'énergie. Merci beaucoup. Merci Merci de l'avoir fait en beaucoup. français. Merci.